Yeah, man, welcome. I'll try to think. I'm gonna think. Salut la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que j'ai pondu, c'est ce que j'ai pondu quand j'étais tout seul là. Et tu veux écouter? Je la remets au début. Ça va être bientôt le début, je crois. Get it.